Audiomatique. We'll be right back. Une transmission d'audiomatique n'en serait pas une si elle n'était pas introduite convenablement. Les électronistes ne pouvant être à la fois juge et partie, ils vous laisseront décider si l'introduction de cette transmission 187 était digne d'annoncer la suite. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'elle était l'œuvre d'une collaboration entre la formation britannique The Authors, qui a existé pendant la décennie 90, et le projet Music, le pseudonyme de Mike Paradinas. Nous entendions la pièce Lenny Valentino Tree, qui est en fait une version remixée par Music de la chanson Lenny Valentino du groupe The Authors. Cette version est tirée du mini-album Music vs. The Authors, qui comprend des pièces de l'album Now I'm a Cowboy de The Authors, remixées, ou devrait-on plutôt dire réinterprétées par Music. Fait anecdotique, la version européenne de ce mini-album s'intitule The Authors vs. Music, tandis que la version américaine prend le titre de Music vs. The Authors. Le projet Download, mené par les Canadiens Kevin Key et Phil Western, lance la prochaine séquence musicale. Thank you. À Audiomatic, la formation Eat Static nous offrait Kaleidoscope, une pièce de leur plus récent album intitulé La Ship to Paradise. Eat Static a mis de côté ses rythmes psytrance pour lesquels il s'est fait connaître pour nous offrir avec ce nouvel album un son qui s'inscrit davantage dans la tendance IDM avec de surcroît des compositions très texturées. Et parlant de texture, la formation Download qui précédait est reconnue pour ses pièces aux sonorités très denses et c'est de l'album 3 que nous avons entendu la pièce Straight. Voilà. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche n'a pas seulement précipité le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il a aussi inspiré le nom du groupe écossais Franz Ferdinand. We'll be right back. And I saw the electric bear. Now he's always there. I could talk to him beyond my door. I talk of your eyes every day, 'cause they don't look old, and I never feel any cold. Thank you. Audiomatic, le groupe américain Interpol nous offrait le quatrième simple extrait de leur album homonyme, soit la chanson Try It On. Précédemment à Interpol, on avait droit au groupe allemand The No Twist, dont certains membres participent entre autres aux formations Console, 13 and God et La Lipuna. De leur quatrième album intitulé Shrink, nous vous avons présenté la pièce Electric Bear. Et avant de No Twist, il s'agissait du groupe écossais Franz Ferdinand et leur chanson Outsiders de leur deuxième album You Could Have It So Much Better. Vous écoutez toujours Audiomatic, la formation péruvienne Animal Chuki amorce le prochain bloc de trois pièces. Bye. C'était le duo argentin Freak Stylers et de qui nous entendions la pièce Au Travers de leur album And Son de Paz. Avant, un autre projet argentin, soit Lagar Tijando, se faisait entendre grâce à Technoticlan, une pièce qui se retrouve sur son plus récent album El Gran Poder. Et on amorçait la séquence sur la musique d'Animal Chucky et sa pièce El Rey de l'album Frutero. On l'a souvent cité comme étant un des groupes à l'origine du genre post-rock, même si ses influences sont vraiment très variées, allant du metal au folk, en passant par le synth-pop et le krautrock. Pour clore cette transmission 187 d'Audiomatique, nous vous ferons entendre le groupe américain Trans-Am et la chanson Television Eyes, tirée de leur quatrième album Future World. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 188 d'Audiomatique. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatique quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU. Voici, comme annoncé, Trans-Am avec la pièce Television Eyes. C'était Audiomatique avec les électronistes.